Chapitre 10e. Un jour, un de ces sportsmen de hasard, que le fumier de cheval fait de temps en temps pousser comme un champignon sur le turf parisien, s'était trouvé riche. Sa vie jusque-là s'était passée dans les Champs-Élysées, à aller d'une écurie à une autre, et bien souvent, en ces années de misère, il s'était choisi la maison qu'il habiterait, si jamais la chance lui souriait. Quand la chance lui était arrivée, il n'avait eu rien de plus pressé que de réaliser son rêve et dans un entresol du rond-point, il s'était fait ranger un appartement avec toute la prodigalité d'un parvenu que la fortune a enrichi d'un coup. Naturellement, il s'était pris au sérieux et il s'était si bien cru quelqu'un qu'il avait voulu que le mobilier qu'il s'offrait enfin, après l'avoir si longtemps vainement désiré, portât la marque de sa personnalité. Le bois des meubles, les tentures, les rideaux, les tapis, le cuir des chaises, la vaisselle, la verrerie, tout avait reçu ses initiales sculptées, imprimées, gravées, tissées aux endroits les plus apparents. Malheureusement, cette fortune s'en était allée comme elle était venue. Et un jour, celui-là ressemblait peu au premier, le sportsman ruiné avait trouvé prudent de passer la Manche pour s'éviter l'ennui de rencontrer des créanciers indiscrets. Que faire d'un mobilier si riche en initiales? Le vendre, cela n'était pas facile. Heureusement, le propriétaire de l'appartement l'avait acheté en bloc, et le laissant place, il avait loué son entresol meublé au lieu de le louer non meublé. Qu'importait à un étranger de passage à Paris d'avoir sans cesse sous les yeux des objets marqués d'un nom inconnu? Il n'était pas chez lui, et ces objets ne lui appartenaient pas. C'était cet appartement qu'habitait le prince Mazzazzoli avec sa sœur, la comtesse Belmonte et sa nièce Carmelita. Au temps de sa splendeur financière, c'est-à-dire après le coup d'État, le prince avait acheté un riche hôtel du quartier de la Chaussée d'Antin, où il avait donné de belles fêtes. Mais lorsque les désastres étaient arrivés, puis la ruine, puis la misère, l'hôtel avait été mis en vente et le prince n'avait plus que son cercle pour domicile. Où couchait-il, on l'ignorait. C'était au cercle qu'il recevait sa correspondance. C'était au cercle que le trouvaient ceux qui avaient affaire à lui. Chaque jour, sans jamais une minute de retard, il arrivait à 11 heures, après avoir déjeuné, disait-il, et chaque soir il partait à 7 heures pour aller dîner. Où, c'était un mystère, jusqu'au lendemain, il était invisible. Tout à coup, il avait disparu, et il était resté absent 10 années, sans que personne pût dire d'une façon précise ce qu'il était devenu, ce qu'il faisait, s'il reviendrait ou ne reviendrait pas à Paris. Cependant, des bruits vagues avaient de temps en temps rappelé son nom à ceux qui, en France, se souvenaient encore de lui. On racontait qu'il était en Italie, retiré dans un vieux château de l'Ombrie ou des Abruzzes, enfin dans des montagnes sauvages. Que faisait-il là? Les propos différaient. Pour les uns, il ne faisait rien. Pour les autres, il faisait de faux billets de banque. Ceux qui se prétendaient bien informés disaient qu'il vivait là tout simplement avec 2 femmes, une vieille et une jeune, qui le nourrissaient. D'autres, sans nier cette histoire de femmes, l'expliquaient. Ces 2 femmes étaient la mère et la fille, l'une sœur, l'autre nièce du prince. Ce n'était pas seulement pour vivre tranquille, sûr de son gîte et de son pain quotidien, que le prince était venu habiter le château patrimonial des Belmonte. Rejeté du monde parisien comme une épave, incapable de reconquérir une situation dans les affaires, même médiocre, il s'était tourné d'un autre côté, et dans cette nièce, il avait trouvé une mine nouvelle à exploiter. Que voulait-il en faire? Une danseuse, une chanteuse. Ceux qui ne voient pas les choses en beau disaient qu'il voulait la vendre. Ceux, au contraire, qui admettent moins facilement le mal, disaient qu'il voulait la préparer à un grand mariage, sur lequel il bâtirait pour lui une position inexpugnable. Où était le vrai dans toutes ces hypothèses? Il y avait cependant un fait certain, attesté par des gens qui savaient ce qu'il disait. C'est qu'il s'était vraiment établi à Belmonte chez sa belle-sœur auprès de sa nièce et que pendant 7 années, il n'avait pas eu d'autre occupation que l'éducation de cet enfant. Le grand seigneur ruiné, le spéculateur qui un moment avait tenu la fortune dans sa main, s'était fait précepteur. Ce qu'il ne savait pas, il l'avait appris pour l'enseigner. La tâche pour lui avait été d'autant plus rude que cette admirable tête de jeune fille ressemblait à celle de la fable. Une beauté éclatante, d'une pureté de dessin irréprochable, et point de cervelle, ou plus justement un esprit rétif à tout ce qu'on voulait lui apprendre. Combien de fois le maître, se sauvant exaspéré d'auprès de son élève, s'était-il écrié « Et unaskioka, c'est une oie, unaskioka, unaskioka !» Et puis, quelle existence dans ce vieux château perdu au milieu des montagnes et des bois. Comme il avait été bâti pour durer aussi longtemps que le monde, ses derniers propriétaires avaient jugé inutile de l'entretenir et de le réparer. Les dalles de pierre du grand escalier étaient si creuses, si usées, brisées par places, qu'il fallait poser son pied avec une certaine adresse pour ne pas rouler jusqu'en bas. Dans le pavage en poterie étrusque qui formait le parquet de tous les appartements, on suivait des passages creux usés par le frottement des pas. Sur la toiture, les chevrons avaient cédé en plus d'un endroit, et il s'était fait des trous par lesquels entraient et sortaient les nombreux oiseaux de nuit qui habitaient les greniers. Point de carreaux à la plupart des fenêtres, plus de fenêtres même à quelques baies. 5 ou 6 pieds seulement, au milieu de ces enfilades de chambres et de salles, étaient à peu près habitables. C'était celle où, pendant 7 années, avaient vécu le prince, la comtesse et Carmelita. Un jour enfin, ils avaient quitté cette triste maison. Carmelita venait d'atteindre ses 18 ans, elle était à point. Il n'y avait qu'à promener d'exposition en exposition cette belle fleur sauvage. Tout d'abord, on les avait vus dans les villes d'eau d'Allemagne. Puis au commencement de l'hiver 1866-1867, ils étaient venus s'établir à Paris dans l'appartement des Champs-Élysées. Paris allait recevoir la visite du monde entier. Le moment était favorable au dessein du prince, quel qu'il fût. Pendant que le prince habitait le château de sa sœur, il avait, dans ce pays, riche en antiquités de toutes sortes, réuni jour par jour, pièce par pièce, une collection qu'il avait apportée avec lui à Paris, et dans l'appartement de l'ancien sportman, loué pour raison forcée, au nom de la comtesse Belmonte, il avait exposé une collection de bronzes et de poteries étrusques, de faïences italiennes, d'ivoire, de verreries antiques, de monnaies et de sceaux conventuels. Cela avait été le premier appât tendu à la curiosité parisienne. On ne pouvait pas dire « Venez voir ma nièce, qui est un chef-d'œuvre », tandis qu'on pouvait inviter les gens à venir visiter ma collection. Clément, qui se serait fermé devant celle du prince, demandant quelque chose, s'ouvrirent lorsqu'on fut bien certain qu'il ne demandait rien et qu'il avait renoncé aux affaires. Ses anciens amis le reconnurent et des relations, pendant 10 années brisées, se rétablirent. Carmelita, conduite par sa mère et son oncle, fit son début sur la scène parisienne. Il fut éclatant. Il n'y eut qu'une voix dans tout Paris pour parler de la jeune Italienne. Quel changement! Et combien était grande la distance des Apennins aux Champs-Élysées! Cependant, cette vie nouvelle, en apparence si brillante, tenait encore par plus d'un côté à l'ancienne, et pour les curieux qui veulent tout savoir, il y avait sous cet éclat des points mystérieux et, par cela seul, intéressants à chercher. Chaque jour, vers midi, on voyait la comtesse et sa fille aller à Saint-Philippe-du-Roule. La mère faisait allumer un cierge et s'agenouillait. Ses lèvres s'ouvraient et se fermaient, ses mains se joignaient avec un élan passionné. Tandis que, debout près d'elle, sa fille se tenait droite, immobile, les lèvres closes, les yeux calmes. À l'heure où Paris élégant va faire son éternelle promenade au bois, on voyait les deux Italiennes assises à l'une de leurs fenêtres, en toilette, regardant le défilé des voitures, ou plutôt exposées devant ce défilé. Au moment où les voitures commencent à revenir, elles montaient dans un landau découvert, et à leur tour, elles allaient au bois, croisant les équipages qui descendaient. Le soir, on les voyait dans quelques salons ou au théâtre. C'était là leur vie au grand jour, mais quelle était celle de l'intérieur? Pour avoir réponse à cette question, il aurait fallu interroger ou écouter les gens de la maison, alors que le soir, chez le concierge, on s'occupait des Italiennes. Jamais on n'a monté de vin chez elles. Jamais on n'a vu un os dans le seau d'ordure que leur vieille Marietta vide tous les matins. Elles n'ont pas de blanchisseuse. Quand on monte chez elles le matin, on sent dans les appartements le roussi des fers à repasser. Un jour, en montant une lettre, j'ai vu des chemises étendues dans la cuisine pour sécher. Quand le colonel Chamberlain sonna à la porte de l'appartement des Champs-Élysées, ce fut la vieille Marietta, vêtue de son costume de paysanne des Abruzzes, qui vint lui ouvrir. Elle le fit entrer dans un parloir, et ayant pris sa carte, elle l'apporta au prince, qui se trouvait dans le salon. Lorsque celui-ci lut le nom du visiteur, il se mit à rire silencieusement, puis, en trouvant rapidement la porte d'une pièce voisine, qui était la chambre de Carmelita. « Vite, dit-il, à ta toilette, en un tour de main. Ton peplum blanc, le collier de camée, les cheveux bouffants. Tu entreras dans le salon, tu paraîtras surprise de me trouver en compagnie. Je te présenterai, tu salueras, ne diras rien, et tu te retireras aussitôt. » Ces instructions données d'une voix rapide, il se retourna vers Marietta et lui dit d'introduire le colonel. Ce n'est point un vain mot que la bonne grâce italienne, et il est bien entendu que lorsqu'un Italien a un intérêt à être aimable, il l'est plus que personne. Le colonel fut reçu d'une façon charmante, et cette visite, qui s'était présentée comme une corvée désagréable, fut un plaisir pour lui. Le prince était occupé à lui montrer quelques pièces de sa collection, lorsque tout à coup la porte du salon s'ouvrit devant une jeune fille vêtue de blanc. En apercevant le colonel, elle montra une légère confusion et fit un pas en arrière. Mais le prince alla au-devant d'elle, et la prenant par la main, il la présenta au colonel. Après s'être inclinée, elle continua son chemin et traversa le salon pour sortir par une porte opposée. Sa démarche était celle d'une déesse sur les nues. Ce fut une apparition lumineuse dans ce salon sombre, et quand le colonel, après avoir quitté le prince, se trouva dans les rues, en route pour le faubourg Saint-Antoine, il ne vit rien de ce qui l'entourait, ni gens, ni choses. Ses yeux avaient ébloui, et il gardait encore les impressions troublantes de leur éblouissement.